Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. La grande bibliothèque du deuxième étage. Orgueil d'Ardis et pâturage favori de la petite Verbivore. Nous serons sur la planète Antiterra, un pays où se superposent territoire russe et territoire américain, où s'entrelacent parfois langue russe et langue américaine. Nous nous immergerons surtout dans le roman d'un auteur qui lisait beaucoup et qui lisait bien, et dont les références tricotées à sa manière étaient un régal. Nuit magnétique, Ada, le roman des manuscrits, une émission de Philippe Boyer présentée par Colette Fellouz. Première diffusion sur France Culture le 14 septembre 1990. Nuit magnétique, bonsoir. C'est une chance que d'avoir lu quand on était enfant. Et c'est double chance, écrit Elio Vittorini dans Conversation en Sicile, que d'avoir lu des livres sur les anciens temps et sur les anciens pays, surtout des livres d'histoire, surtout des livres de voyage, surtout les Mille et Une Nuits. On peut même se souvenir de ce qu'on a lu comme si on l'avait en quelque sorte vécu. Et l'on a en soi, outre sa propre enfance, l'histoire des hommes et le monde entier, la Perse et les 7 ans qu'on a eus, l'Australie et les 8 ans, le Canada et les 9 ans, le Mexique et les 10 ans qu'on a eu, et les Hébreux de la Bible avec la tour de Babylone et David appartiennent à l'hiver de vos 6 ans, les califes et les sultanes à un mois de février ou de septembre, et à l'été, les grandes guerres en compagnie de Gustave Adolphe et des autres, les grandes guerres pour la Sicile-Europe, à l'été d'une Terra Nova, d'une Syracuse. Cependant, que chaque nuit, le train emporte des soldats parce qu'il y a une grande guerre, qui est toutes les guerres. Nuit magnétique, relire la littérature, dernier volet, par Philippe Boyer, notre lecteur de la semaine, qui ouvrira ce soir pour nous, Ada de Nabokov. Nous arrivons donc ce soir à notre dernière étape de ce voyage en territoire de littérature, et je proposais volontiers pour commencer une formule un peu triviale mais qui me paraît parfaitement adaptée à cette formidable jubilation érotique qui est le livre dont nous allons nous occuper ce soir, c'est-à-dire l'Ada de Nabokov. En disant, et je crois que c'est vrai pour tous les livres de littérature, que lire la littérature ce n'est pas lire des histoires, bon ça ne surprend personne, mais que ça serait peut-être soulever les jupes de la langue pour voir ce qu'il y a dessous. Et je pense que quand on soulève les jupes de la langue de Nabokov, ce que nous allons essayer de faire ce soir, on n'est pas déçu. Alors, c'est ce que je vais essayer de montrer, comment fonctionne finalement cette cuisine nabokovienne, assez compliquée. Mais peut-être que dans un premier temps, avant de rentrer dans les détails, et pour ceux qui n'auraient pas lu le livre, je vais indiquer tout de même quelques généralités. Alors, une première remarque qu'on peut faire, c'est que ce livre est au fond construit, tout à fait explicitement, d'ailleurs, bon, Nabokov le laisse entendre clairement, sur la figure emblématique du labyrinthe. Ce qui apparaît dès l'arbre généalogique, puisque le livre est précédé d'un arbre généalogique, avec le nom d'un des personnages qui se trouve être l'ancêtre, le grand-père paternel des deux principaux personnages, Ada et Van, qui s'appelle Dédalus. Bon, Dédalus qui fait bien entendu écho à Joyce, mais Joyce aussi travaille sur la figure, et en particulier dans l'Ulysse, sur cette figure du labyrinthe. Alors à ce propos du labyrinthe, je voudrais juste lire un tout petit passage qui est en plein milieu du livre, mais qui nous permettra d'entrer un peu dans le texte, où ça se passe dans un chapitre où Nabokov raconte un très long rêve que fait Van, donc le personnage principal, où il s'imagine architecte, ce qu'il n'est pas, et il s'imagine construisant de par le monde des villas, qu'il appelle les villas Vénus, et qui sont en réalité des superbes bordels de luxe, donc des lieux d'érotisme, qu'il appelle d'ailleurs aussi des fleurs à mort. Alors tout de suite, on peut s'arrêter sur ce terme de fleur à mort en disant qu'au fond, l'Ada de Nabokov est aussi, à sa façon, un fleur à mort. Comment est composé le mot de fleur à mort? Il est composé de flore, la fleur qui fait référence à la botanique, et d'amor, l'amour qui fait référence à l'érotisme. Dans tout le livre, et ça je crois que c'est important de le préciser au départ, dans tout le livre, on a une sorte de tressage entre des strates différentes qui se correspondent et qui font effet de métaphore les unes sur les autres, qui sont d'une part, alors que Nabokov va faire circuler d'ailleurs à travers des mots très précis, il adore jouer avec les mots et avec les lettres, bon, il y a un côté un peu Pérec là-dedans, et donc il y a une série de mots qui montrent comment Nabokov va passer d'une strate à l'autre. Je donne juste un exemple. Artis, Ardis, qui est le nom indifférencié de la grande propriété où va se dérouler l'enfance donc des deux personnages principaux, Ada et Van. Artis, ça référence l'art. L'art, ça va référencer chez Nabokov essentiellement la littérature. Et on peut dire que quand on lit Ada de près, on est amené presque inévitablement à faire un véritable voyage dans la bibliothèque. Artis glisse sur Ardis. Ardis, c'est l'ardeur. N'oublions pas que le livre s'appelle Ada ou l'ardeur. Et l'ardeur fait référence, bien entendu, à l'érotisme. Ardis, ardor, d'ardor on glisse à arbor, arbor c'est l'arbre, donc c'est la botanique. À quoi on peut adjoindre d'ailleurs l'entomologie, puisque il est aussi fortement question de papillons dans cette histoire. Vous savez que Nabokov était un grand collectionneur de papillons. L'arbre, donc, référençant la botanique, mais aussi l'arbre généalogique, puisqu'il y a un arbre généalogique qui introduit cette histoire, et l'arbre généalogique va référencer en l'occurrence ici, comme on va le voir, l'inceste. Puisqu'une fois encore, il s'agit d'inceste. Je ne l'ai pas fait exprès. Donc je vais lire ce petit passage de ce rêve de Van sur ces flores à mort et en essayant d'entendre comment ce passage s'applique fort bien finalement à Ada. Que celui-ci, alors le flore à mort en question, que celui-ci se dissimula dans un vallon au milieu des bois, qu'il fut environné par un parc immense, qu'il domina une succession descendante de bosquets et de jardins étagés, l'accès à Vénus commençait invariablement par une voie privée, qui s'enfonçait bientôt dans un labyrinthe de haies et de murs, où s'ouvraient des portes inapparentes dont les gardiens et les membres du club étaient seuls à détenir les clés. Eh bien, on peut dire d'une manière tout à fait stricte, en paraphrasant un tout petit peu, au fond, la phrase que je viens de lire, que Ada, c'est un labyrinthe non pas de haies et de murs, mais de phrases, et que chaque phrase s'ouvre sur des portes inapparentes dont les gardiens et les membres du club nabokovien, si je puis dire, sont seuls à détenir les clés. Ce qui fait que, effectivement, c'est pas une lecture très simple, puisque presque à chaque phrase, on a des portes inapparentes qu'à première lecture, elles sont faites d'ailleurs pour ça, on ne voit pas, mais quand on commence à être un peu familiarisé avec ce texte, on s'aperçoit que presque à chaque mot, on peut s'embrancher dans des directions tout à fait différentes. Et c'est ce qu'on va essayer de faire donc un petit peu ce soir. Je vais commencer par lire la dernière page de ce livre pour la raison suivante. Il faut préciser que Ada, qui raconte donc les amours tumultueuses de Ada et de Van, est un livre. Ada et Van vont donc se rencontrer, se séparer, enfin avoir une vie compliquée, et finalement se retrouver sur leur vieux âge, voyageant de par le monde ensemble, et sur les coups de 90 ans, Van va se mettre à raconter donc cette histoire. C'est-à-dire qu'en somme, il est à la fois le narrateur et l'auteur, un petit peu comme chez Proust, et l'auteur de ce livre. Et en tant qu'auteur de ce livre, au moment où il termine de l'écrire, il nous en fait un résumé. Donc c'est pas la peine de se fatiguer, je vais vous lire le résumé, très ironique bien entendu, le résumé que propose Van lui-même, bon par la plume de Nabokov bien sûr, que nous propose Van de ce livre qu'il est en train de terminer. Alors voilà comment se termine le livre, je vais lire une page. Le château d'Artis. Les ardeurs et les arbres d'Ardis. Vous voyez qu'on retrouve tous les mots que j'évoquais tout à l'heure. Voilà le leitmotiv qui revient en vagues perlées dans Ada, vaste et délicieuse chronique dont la plus grande partie a pour décor une Amérique à la clarté de rêve, car nos souvenirs d'enfance ne sont-ils pas comparables aux caravelles voguant vers la Vinland qu'encerclent indolemment les blancs oiseaux des rêves. Bon, très belle phrase. La Vinland, c'est bien entendu le pays des vignes, puisque Van, l'homme, cousin et néanmoins frère d'Ada, s'appelle Vin, et par conséquent c'est le pays des vignes, bon, un pays merveilleux puisque c'est le pays d'enfance au moment où ils vont se rencontrer, ce merveilleux nous évoquant bien entendu le Wonderland de Lewis Carroll, qui va aussi être référencé dans le livre. Qu'encerclent indolemment les blancs oiseaux des rêves, bon, je peux vous annoncer tout de suite, et on va le voir dans un instant, que ces blancs oiseaux des rêves en dissimulent un beaucoup plus noir. Le protagoniste, héritier de l'une de nos plus illustres et plus opulentes familles, est le docteur Van Vin, donc le frère incestueux d'Ada. Le docteur Van Veen, fils du baron Damon Veen, mémorable personnalité de Reno et de Manhattan. La fin d'une époque extraordinaire coïncide avec la non moins extraordinaire enfance de Van. Il n'est rien dans la littérature mondiale, sauf peut-être les réminiscences du comte Tolstoï, qui puisse le disputer en allégresse pure, innocence arcadienne avec les chapitres de ce livre qui traite d'Ardis. Dans cette fabuleuse propriété de campagne de l'oncle de Van, Daniel Veen, grand amateur d'art, un ardent amour d'enfance va naître et se développer en une série de scènes fascinantes entre Van et la jolie Ada, une gamine vraiment exceptionnelle, fille de Marina, l'épouse entichée de théâtre de Daniel. Le fait que leurs relations ne sont pas qu'un dangereux cousinage, mais présentent un aspect défendu par la loi, c'est-à-dire l'inceste en l'occurrence, est suggéré dès les premières pages. Malgré les nombreuses complications de l'intrigue et de la psychologie, le récit va bon train. Avant même que nous ayons le temps de souffler et de contempler tranquillement le nouveau décor au milieu duquel le tapis magique de l'auteur nous a versé, une autre charmante créature, Lucette Veen, sœur cadette d'Ada, s'emballe pour Van, notre noceur irrésistible. La destinée tragique de Lucette représente un des highlights de ce délicieux livre. Le reste de l'histoire de Van a pour sujet, présenté d'une manière franche et colorée, sa longue aventure amoureuse avec Ada. Leur roman est interrompu par son mariage dans l'Arizona avec un éleveur de bétail dont l'ancêtre fabuleux découvrit l'Amérique du Nord. Le mari meurt, les amants sont réunis, ils passent leur vieillesse à voyager ensemble et à séjourner dans les nombreuses villas, chacune plus belle l'une que l'autre, que Van a érigées un peu partout dans l'hémisphère occidental. La délicatesse du détail pittoresque n'est pas le moindre des ornements de la présente chronique. Une galerie treillissée, un plafond peint, un joli jouet échoué parmi les myosotis d'un ruisseau, des papillons et des orchis papillonacées en marge du roman, un lointain voilé vu d'un perron de marbre, une daine héraldique qui tourne la tête vers nous dans le parc ancestral, et bien des choses encore. Point final. Bien, donc voilà raconté d'une manière un peu ironique la trame générale de cette histoire d'Ada. Alors, je dis juste un mot de cet arbre généalogique, puisque quand j'ouvre le livre à première lecture, je tombe, avant même le premier chapitre, je tombe sur cet arbre généalogique. J'en dis juste un mot, j'aurai pas le temps d'entrer dans le détail malheureusement, mais il faut tout de même préciser, bon, c'est une pratique qui n'est pas nouvelle. Dans toutes les grandes sagas des romans classiques du 19e, on trouve souvent les sagas familiales, on trouve souvent des arbres généalogiques, mais qui ont en principe pour fonction d'éclairer le lecteur et de lui permettre de se repérer dans les personnages qui vont apparaître dans le roman. Le problème avec Nabokov, et ça c'est un des principes, vous vous souvenez pour ceux qui écoutaient l'émission sur Proust que j'avais parlé de l'inversion comme figure de rhétorique chez Proust, je crois qu'on peut parler d'une figure de rhétorique chez Nabokov qui est utilisée d'une manière très systématique, c'est la falsification. C'est-à-dire que chaque fois qu'on croit tenir quelque chose, on peut se dire que c'est à peu près sûrement que c'est faux. Alors quand je regarde cet arbre généalogique, je vois, bon, on vient de l'évoquer à l'instant, mais c'est dit dès les premières pages, que ceux qui sont présentés donc comme des cousins issus de Germain, Ivan et Ada, sont en réalité frères et sœurs. Donc le bas de l'arbre généalogique est faux. Alors moi, en lecteur naïf peut-être, ou pas tout à fait naïf, je me dis, si le bas de l'arbre généalogique est faux, pourquoi tout le reste ne serait pas faux? Et en effet, quand on se réfère à l'arbre généalogique, on s'y retrouve mal par rapport à ce qui va se dérouler dans le reste du livre. Alors, j'ai pas le temps, malheureusement, d'indiquer pourquoi il est faux. Disons en gros que, bon, c'est très simple, il est faux en bas pour une raison dite, clairement, c'est pour dissimuler l'inceste. Donc, si je fais l'hypothèse que le reste est faux, c'est vraisemblablement aussi pour dissimuler d'autres incestes. J'en dirai pas plus ce soir, parce que ça nous entraînerait trop loin. Et je vais tout de suite, donc, attaquer le début du texte. Très très lentement, parce que comme vous allez voir, il est assez compliqué. Nuit magnétique. Relire la littérature. Philippe Boyer relit Ada de Nabokov. Je vais lire la première phrase. Comme toutes les premières phrases, c'est une phrase importante. Et je vais la lire d'une manière un peu nabokovienne, si je puis me permettre. Et puis nous y reviendrons après. Les familles heureuses se ressemblent toutes. Les familles malheureuses sont malheureuses chacune à leur façon. Bon, cette première phrase est presque la première phrase du roman de Nabokov, mais pas tout à fait. Et en revanche, elle est tout à fait exactement la première phrase de l'Anna Karénine de Tolstoï. Donc Tolstoï, les familles heureuses se ressemblent toutes, les familles malheureuses sont malheureuses, chacune à leur façon. Nabokov, toutes les familles heureuses sont plus ou moins différentes, toutes les familles malheureuses se ressemblent plus ou moins. Cette phrase est inscrite dans le roman de Nabokov entre guillemets et suivie par la phrase suivante, cette déclaration placée par un grand auteur russe en tête d'un célèbre roman, Anna Arkadievitch Karenina, transfigurée en anglais, etc. Donc, quand je lis cette première phrase pour la première fois, mon premier sentiment, c'est que Nabokov a un certain culot, il sait très bien qu'il fait là son livre génial, et je crois qu'Ada, c'est vraiment le plus grand livre de Nabokov incontestablement, et il a le culot, sachant que les premières phrases, c'est important, de commencer son livre par une citation, c'est-à-dire par une phrase qui n'est pas de lui. C'est ça que je me dis quand je lis la... Et puis, bon, quand je commence à fouiller un peu le texte nabokovien et à me méfier, je m'aperçois donc que cette phrase est proposée comme n'étant pas de Nabokov, mais en même temps suffisamment traficotée pour qu'elle soit complètement de Nabokov. Donc vous voyez qu'on entre, et ça indique bien la figure que j'évoquais tout à l'heure, dès la première phrase, qu'est-ce que nous dit Nabokov ? Il nous dit « Vous êtes dans le faux ». Ne croyez pas ce que je vous raconte. Je vais vous emberlificoter dans un labyrinthe inextricable. Nabokov, en bon pervers, va jouir de ça d'ailleurs formidablement, mais en très grand écrivain, va nous communiquer cette fabuleuse jouissance d'être en permanence perdu dans ce livre. Bon, alors, je continue encore un petit peu ce commencement. Cette déclaration, donc, citation de la phrase, cette déclaration placée par un grand auteur russe en tête d'un célèbre roman, entre parenthèses, Anna Arkadievitch Karenina, transfigurée en anglais par R.G. Stonelower, Mount Tabor Press, 1880, fermez la parenthèse, n'a qu'un rapport fort éloigné avec le récit auquel nous convions notre lecteur, et dont la première partie s'apparente sans doute davantage à un autre ouvrage de Tolstoï, Dezvoye Itchost, bon, je ne sais pas parler russe, entre parenthèses, Enfance et Patrie, édition Ponce, 1858. Point. Fin du premier paragraphe. Alors, il y a une première remarque, une première chose qui m'intrigue un peu, maintenant que j'ai appris à me méfier de ce que me raconte Nabokov, c'est le nom même, ce qui est proposé comme le titre du roman de Tolstoï, Anna Arkadievitch Karenina. Le titre d'abord du roman de Tolstoï, c'est Anna Karenina. Bon, il n'y a pas ce troisième terme entre les deux. Cela dit, il est vrai que dans le roman de Tolstoï, la femme Anna Karenine s'appelle en effet Anna, non pas Arkadievitch, mais Anna Arkadievna, puisque c'est une femme. Anna Arkadievna Karenina. En revanche, dans le roman de Tolstoï, elle a un frère qui s'appelle Stepan Arkadievitch Oblonsky. Bon. Donc vous voyez que, dès le début, Nabokov nous pose un nom de femme célèbre, à des romans les plus célèbres de la littérature russe et de la littérature mondiale, en y insérant un nom masculin. C'est-à-dire, il le pose au fond une ambivalence sexuelle, hein, pour dire les choses clairement. Alors cette ambivalence sexuelle, elle est à prendre très au sérieux, bien entendu, puisque c'est ce qu'on va retrouver. Chez Nabokov, tout est à prendre au sérieux, comme chez Proust. D'ailleurs, je signale que Nabokov a été à bonne école, il connaît par cœur la littérature. Il y a deux littératures pour lesquelles auxquelles il est particulièrement sensible, c'est la française et la russe. Et c'est vrai qu'il y a des réminiscences proustiennes dans ce livre un peu partout, beaucoup d'explicites d'ailleurs, et d'autres moins explicites. Donc, cette ambivalence sexuelle qu'on va retrouver dans ce couple incestueux d'Ada et Vin, elle s'inscrit aussi dans les noms mêmes des personnages choisis par Nabokov. À savoir que Ada, au fond, c'est le nom d'Adam à qui on aurait enlevé quelque chose, une lettre par exemple, et Vin, V-E-E-N, c'est l'anagramme exact V-E-E d'Ev, à qui on aurait simplement ajouté quelque chose, une lettre par exemple. Ou pour dire les choses autrement, c'est Ada, c'est un nom d'homme moins un pénis, et Vin, c'est un nom de femme plus un pénis. Donc vous voyez qu'on est en pleine ambivalence. Alors pourquoi cette ambivalence ? Eh bien pour une raison, entre autres peut-être, c'est peut-être une explication, c'est que ce couple, qui est d'un érotisme fabuleux, qui n'arrête pas, et dès l'âge très tendre, comme souvent chez Nabokov, hein, vers 10-12 ans, il commence déjà à avoir des ébats amoureux extrêmement sophistiqués, si je puis dire, les rapports sexuels de ce couple tout au long du livre seront exclusivement des rapports atergo, comme on dit, c'est-à-dire stériles. Donc, ce couple stérile va être fertile autrement, et bon, c'est peut-être une explication de l'ambivalence, c'est-à-dire qu'il y a stérilité du côté de la généalogie de la génération des enfants, parce que, ou en même temps, il y aura fertilité du côté de la génération du livre. Et après tout, écrire un livre, c'est bien aussi transmettre un nom. Dans la généalogie, faire des enfants, bon, quand ce sont des fils, on transmet le nom. Quand on écrit un livre, on transmet le nom. Donc il y a bien une sorte de correspondance de fertilité, mais déplacée, ce qui peut expliquer pour une part cette ambivalence sexuelle, déplacée de la femme vers l'homme. Et je vais juste lire un tout petit passage qui dit ça tout à fait explicitement, pour que vous ne croyez pas que j'invente. Nous sommes à la fin de la première partie du roman, première partie d'ailleurs qui occupe à peu près la moitié du livre. Alors je lis le passage suivant. Van passait la plupart de ses heures d'activité à la bibliothèque publique, cet admirable et formidable palais aux colonnes de granit dont le Douni de Cordula n'était éloigné que de quelques rues. Comment n'être pas tenté de comparer les nausées, les étranges envies, les extases compliquées qui accompagnent l'élaboration du premier livre d'un jeune auteur avec tout ce qu'éprouve une femme enceinte? Bien. Donc vous voyez que la comparaison, elle est explicitement évoquée. Et le chapitre se termine par une phrase que je ne vais pas tout de même me priver du plaisir de vous la lire. Le chapitre se termine par la phrase suivante, qui va dans le même sens d'ailleurs. Lorsqu'au premier jour de septembre, il quitta Manhattan pour Lutte, bon, Lutte, c'est Lutèce, c'est Paris, hein, il fait un voyage, bon, il a quitté les États-Unis pour venir à Paris. Il quitta Manhattan pour Lutte, Van Veen était en état de grossesse. En état de grossesse de son livre, bien entendu. Seulement, comme je relis Ada, comme je sais que Nabokov, comme je l'ai dit au début, se balade dans la bibliothèque, cette phrase me dit quelque chose. Qu'est-ce que ça me rappelle? Eh bien, ça me rappelle la dernière phrase de la première partie, puisque c'est une phrase qui est située exactement au même endroit dans l'organisation du livre. Ça me rappelle la dernière phrase de la première partie de Madame Bovary. Quand on partit de Tostes, au mois de mars, Madame Bovary était enceinte. Vous voyez, c'est exactement la même structure, c'est exactement la même phrase. Alors, référence à Flaubert, bon, c'est une référence parmi beaucoup d'autres. Mais je peux aller un peu plus loin en reprenant la fameuse formule « Madame Bovary, c'est moi ». Au fond, qu'est-ce que fait Van là? Il dit tout à fait explicitement « Madame Bovary, c'est moi ». Et disant « Madame Bovary, c'est moi », il est Flaubert. Il est donc un grand écrivain, puisque c'est son obsession dans toute cette histoire. C'est comme Nabokov d'ailleurs, c'est d'être un grand écrivain et de faire un livre génial. Donc vous voyez comment tricote finalement Nabokov avec la littérature. Quand il introduit des citations, c'est pas simplement des petits collages comme c'est anecdotique, ça s'inscrit bien dans la trame et dans la problématique du roman qu'il est en train d'essayer d'élaborer. Bon, revenons encore un instant alors sur les premières lignes, que je ne vais pas lire trop longuement, mais je vais tout de même vous donner la tonalité de cette musique, parce qu'effectivement, quand on se plonge pour la première fois dans l'Ada de Nabokov, le moins qu'on puisse dire, c'est que la première page est passablement dissuasive. On n'y comprend strictement rien. Alors je continue à lire, donc après cette histoire de Tolstoï et Anna Karénine. Qu'est-ce qui suit? La grand-mère maternelle de Van, Daria, entre parenthèses et entre guillemets, Dolly Dourmanov, était fille du prince Peter Zemski, gouverneur du Brador, province américaine située dans le nord-est de notre grande et diversiforme patrie. Le prince Zemski avait épousé une Irlandaise du grand monde, Marie-Aurélie, leur fille unique, Dolly, conçue et enfantée à bras, épousa en 1840 à l'Archtrand, très fantasque de 15 ans, le général, etc. Bon, alors je ne continue pas longuement, vous voyez qu'il est en train de nous raconter un arbre généalogique. Alors éventuellement, je peux m'aider de l'arbre généalogique qui est à la page précédente, ce qui ne va pas forcément m'aider beaucoup. Juste une remarque en passant, cet arbre généalogique est un texte, je l'ai peut-être dit tout à l'heure d'ailleurs, c'est un texte qu'il faut lire comme faisant partie intégrante du texte nabokovien. C'est-à-dire que tous les noms, et ça encore c'est très proustien, tous les noms ont un sens. Hein. Nabokov n'introduit pas dans cet arbre des noms n'importe comment. Alors le nom de Dolly fait référence à quoi? Le nom de Dolly a un double parrainage. C'est-à-dire que d'une part, il y a une Dolly qui est un personnage important de l'Anna Karénine, précisément, puisque Dolly, c'est la femme d'Oblonsky qui est le frère d'Anna Karénine, et que, visiblement, et on le retrouve à d'autres endroits du roman, Anna Karénine est un livre qui fascine, qui subjugue complètement Nabokov. Et puis, il y a une autre Dolly, alors celle-là plus nabokovienne, qui est, vous vous en souvenez peut-être, le nom qui est souvent donné à Lolita, dans le roman qui a précédé que Nabokov a écrit juste avant Ada. Lolita, qu'on appelle souvent Dolly, Doll, Dolilo, etc. Or, précisément, cette grand-mère, Dolly, est une Lolita. Et est une Lolita, elle se marie à 15 ans, on s'apercevra d'ailleurs au détour d'une phrase, si on lit de près le texte, parce que c'est vraiment très discret, qu'elle en était déjà à son premier divorce, et que c'était un second mariage à 15 ans. Enfin bref, c'est une femme haute en couleur, et qui commence assez tôt sa vie sexuelle. Alors, je ne vais pas m'attarder longuement, puisque je vois que l'heure tourne à ce début, où on rentre un peu dans l'arbre généalogique, comme ça on va rentrer aussi dans une géographie un peu compliquée, ce qui m'amène tout de même à préciser, puisqu'il y a des noms à consonance anglaise et des noms à consonance russe qui se mélangent là-dedans, d'une manière un peu inextricable, que tout le roman, mais on ne le saura que beaucoup plus tard, c'est pour ça que je le dis tout de suite, que tout le roman de Nabokov ne se déroule pas sur la planète Terre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais sur une planète qui y ressemble étrangement et que Nabokov appelle Antiterra. Il faut dire que dans tout le livre, il y a des jeux de miroirs, de gémellité, de double, bon, qui ne sont pas pour simplifier la lecture. Et que cet Antiterra va permettre à Nabokov de faire à peu près n'importe quoi, puisqu'il n'y a plus aucune référence à aucune espèce de réalité. Et en particulier, il va superposer les géographies des territoires américains et russes. Ce qui, si vous voulez, nous renvoie à la superposition des langues elles-mêmes, puisque comme vous savez, Nabokov est d'origine russe, écrit ses premiers romans en russe, puis émigre aux États-Unis et va écrire la suite de son œuvre en anglais, et que par conséquent, les deux langues russes et anglaises, américaines, sont pour lui complètement superposées, comme vont l'être les territoires d'Antiterra. Bon, alors je passe un peu plus loin, et je vais maintenant... En arrivée, il est grand temps, à ma première circulation labyrinthique pour vous montrer. Alors là, on rentre dans une lecture, je dirais que c'est un peu de la chirurgie sous microscope, la chirurgie littéraire. On rentre vraiment dans une lecture de détail. Mais je crois que c'est intéressant de voir précisément comment est construit le labyrinthe nabokovien. Alors je lis à la page suivante, dont on est encore tout à fait au commencement. Le 23 avril 1869... dans une Kalouga verte et voilée d'une petite pluie tiède, Aqua, âgée de 25 printemps et affligée de son habituelle migraine printanière, épousa Walter D. Vin, banquier de Manhattan, issu d'une vieille famille anglo-irlandaise. Il avait été longtemps l'amant de Marina et devait bientôt le redevenir, au moins de façon intermittente. Marina, de son côté, épousa un certain jour de 1871 le cousin germain de son premier amant, un autre Walter Divine, non moins fortuné mais bien moins amusant. Donc j'espère que vous commencez à vous y perdre, c'est fait pour. Vous voyez qu'on a là deux Walter Divine, qui n'ont pas l'air d'être la même personne a priori, mais qui ont le même nom. Alors je me précipite sur l'arbre généalogique, je ne trouve pas de nom. Le nom de Walter n'apparaît pas, donc je me dis, mais vraiment, Nabokov commence à se moquer un peu de moi. Je continue à lire le paragraphe suivant. Le D qui figure dans le nom du mari d'Aqua est le substitut de Démon, forme de Démian ou de Démensius. Démensius, démence, folie. Et Dieu sait si la folie va circuler dans ce livre. C'est ainsi qu'on l'appelait dans la famille. Dans le monde, on le désignait le plus souvent sous le nom de Ravenvin ou simplement Walter Lebrun, pour le distinguer du mari de Marina, Walter Durack ou simplement Vin Leroux. Démon avait une double marotte, il collectionnait les vieux maîtres et les jeunes maîtresses. On peut noter au passage d'ailleurs qu'il y en a un autre bien connu qui collectionne les vieux maîtres de peinture et les jeunes maîtresses, c'est Swann. Référence tout à fait explicite à Proust, bon si on se souvient d'Amour de Swann. Alors, mon débranchement, je voudrais le prendre au niveau des noms de ces personnages. Bon, Durack, j'y passe rapidement, Durack ça veut dire l'idiot en russe, et Durack ça nous fait penser, et d'ailleurs la référence y sera faite explicitement plus loin, ça nous fait penser à un célèbre idiot de la littérature dite enfantine, qui est le fameux général Durakin de la comtesse de Ségur. Mais c'est pas ça qui m'intéresse. Je prends le nom qui précède de l'autre Walter Divine, hein, puisque ce sont deux cousins germains, frères, enfin on sait plus très bien, qui s'appelle Ravenvin. Et là, vous avez l'exemple, et vous pouvez faire ça partout chez Nabokov. C'est ça qu'il y a de terrible chez lui, et ce qu'il y a en même temps de fascinant, c'est que plus on relit Nabokov, plus on a l'impression que c'est la première fois qu'on le lit. Ravenvin, donc je peux continuer tranquillement ma lecture. Hein, Ravenvin, ou simplement, puis je continue mon livre, comme si de rien n'était. Ou je peux m'arrêter, comme dans un labyrinthe, et m'apercevoir qu'il y a peut-être une traverse, et je peux débrancher sur un autre circuit, ce que je vais faire immédiatement. Raven, en anglais, ça veut dire corbeau. Alors comme je sais, ayant lu Ada, que ce livre est truffé de références littéraires et que Nabokov ne rate pas une occasion de nous en glisser une même si on s'en aperçoit pas, je réfléchis 5 minutes et je me dis, le corbeau, bah bien sûr, ça me fait penser à une œuvre littéraire célèbre, c'est le corbeau d'Edgar Poe. Le fameux poème d'Edgar Poe traduit, comme vous savez, en français par Baudelaire et par Mallarmé. Et au cas où vous penseriez que j'exagère, je lis un tout petit peu plus loin. Bon, enfin, ils sont tous, il y a deux hommes qui sont un peu ronds, qui en sont en train de parler. Je ne sais plus très bien la situation, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est Damon. Les deux hommes étaient légèrement gris et Damon. Donc, Damon qui est avec Marina à ce moment-là, laquelle Marina, qui fait du théâtre, qui est une comédienne, est en train de se faire draguer par un autre bonhomme. Et les deux personnages qui sont complètement ivres-morts sont en train de discuter. Légèrement gris, et Damon se demandait à part soi si la ressemblance en somme assez banale de cette fille paradisiaque, parce qu'ils sont en train de regarder un tableau qui ressemble étrangement, bon, c'est la Zéphora de Botticelli, de Swann, hein, bon, qui ressemble étrangement à Marina, bon, etc., avec une jeune actrice que son visiteur avait certainement vue sur les planches dans, alors écoutez bien le titre des deux pièces qui arrivent là, dans Eugène et Lara et dans Lénore du Corbeau. Eugène et Lara, ça me fait penser à quoi ? Ça me fait penser, bien entendu, à Eugène Onéguine de Pouchkine. D'autant plus que Tatiana et Olga, les deux femmes d'Eugène Onéguine, s'appellent Larine, de leur nom de famille. Donc de Larine à Lara, il n'y a pas très loin. Mais, plus intéressant peut-être, à quoi me fait penser le titre de la seconde pièce, Lénore du Corbeau en un seul mot. Bien entendu, ça me ramène, une fois de plus, au Corbeau d'Edgar Poe. Ça me ramène au Corbeau d'Edgar Poe, pour une raison bien précise, c'est que dans le poème d'Edgar Poe, en effet, bon, il y a un narrateur qui raconte son histoire, qui voit arriver le corbeau qui rentre par la fenêtre et qui ne sait dire qu'une chose, c'est Nevermore, vous vous souvenez peut-être, jamais plus. Et il pense, bon, absolument désespéré, à une femme qu'il a perdue et qui s'appelle précisément Lénore. Donc il n'y a aucun doute possible, c'est bien une référence explicite au corbeau d'Edgar Poe que Nabokov fait ici. Mais on peut encore aller un peu plus loin pendant qu'on y est. Hein. Vous voyez comment on a bifurqué sur le Raven, qui est le nom donc de Damon. Damon, dont je signale d'ailleurs en passant qu'il est le fils dans l'arbre généalogique d'un personnage qui s'appelle Dédalus. Dédalus, qu'est-ce qui Dédalus a pour fils dans la mythologie, c'est Icare. Et par conséquent, en effet, Damon va être une espèce de figure d'Icare, une figure d'oiseau. Et d'ailleurs, pour nous le confirmer, Nabokov le fera mourir beaucoup plus loin dans le livre, dans un accident d'avion. C'est-à-dire qu'il va en effet tomber du ciel comme Icare. Bon, alors, Raven, nous en étions au débranchement, Raven, corbeau, oiseau, oiseau noir, oiseau qui tombe du ciel, Icare. Si vous ne me suivez pas complètement, ça n'a aucune importance, c'est fait pour. Mais on peut aller plus loin maintenant qu'on en est là. Et ça aussi, c'est une chose qu'on peut faire souvent avec Nabokov. Une fois qu'on a repéré un lien avec un livre extérieur, il faut aller lire les textes. Hein. C'est pour ça que je dis qu'il faut voyager dans la bibliothèque. Il faut aller regarder ce que Poe écrit dans son texte. Parce que Poe, il écrit un texte nabokovien, ou Nabokov écrit un texte de Poe, comme vous voudrez. Mais c'est complètement tricoté, les deux textes. Alors je lis un passage du Corbeau, dans la traduction de Baudelaire, du Corbeau de Poe. « Prophète, dis-je, être de malheur, oiseau ou démon ?» On peut quand même pas rêver mieux, hein, précisément, démon, Icare, l'oiseau, tout ce que je viens d'évoquer. Oiseau ou démon, mais toujours prophète. Que tu sois un envoyé du tentateur du démon donc, ou que la tempête t'ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l'horreur hantée. Bon, j'irai pas plus loin, mais quand même, j'ai encore un petit bond dans ce parcours assez un petit peu délirant. Je m'accroche là dans le passage de Poe, cette terre déserte ensorcelée, je m'y accroche parce que je sais que ça existe dans la DA, hein. Sans ça vous me direz pourquoi, pas de raison d'en rajouter. Mais je sais qu'il y fait référence, Nabokov, très explicitement dans la DA. Alors la terre déserte ensorcelée, ça peut me faire penser tout de même, bon, puisque je voyage dans la bibliothèque, ça ne peut me faire penser à une autre terre ensorcelée, qui est ou déserte, ou désertifiée, malade, qui est la fameuse terre Gast du roi pêcheur dans le Perceval de Chrétien de Troyes. Lequel, bon, d'autant plus d'ailleurs, que cette terre Gast du roi pêcheur qui, comme vous savez, pêche sur un lac, dans la propriété d'Ardis, on a aussi un lac où on pêche. Donc l'image du roi pêcheur, elle est tout à fait reprise par Nabokov dans la trame de sa propre narration. Et alors bon, continuons encore un bond et je m'arrête après sur cette histoire. La même terre Gast donc de Chrétien de Troyes a été reprise dans un des plus grands poèmes de toute l'histoire de la poésie américaine, que donc bien évidemment Nabokov connaît par cœur, c'est la fameuse Vaste Land de T.S. Eliot. Vaste Land, terre dévastée, donc c'est un peu la même formule, qui reprend la thématique du roi pêcheur du Perceval. Donc vous voyez que j'ai voulu donner cet exemple qui peut paraître un peu excessif, mais enfin j'ai essayé quand même d'argumenter un peu mon voyage, et je crois que Nabokov le justifie. C'est ça le tricot nabokovien, c'est-à-dire que son livre, sans arrêt, et c'est ce qui fait qu'il est compliqué à lire, qu'on se sent souvent perdu, c'est un véritable tricot, non seulement avec des trames narratives internes, comme je l'évoquais tout à l'heure, érotisme, botanique, etc., art, mais en plus avec la bibliothèque. Et comme Nabokov lit beaucoup et qu'il lit bien, eh ben vous pouvez lui faire confiance que quand il nous amène des références, c'est pas pour rien. Hein. Et non seulement il va les faire, mais il va les tricoter dans son propre texte. Nuit magnétique. Relire la littérature. Philippe Boyer relit Ada de Nabokov. Je vais lire là un certain nombre de passages et essayer de montrer comment ces passages, petit à petit, vont nous amener à une synthèse, finalement, au terme de ce voyage. Premier passage, c'est le début du chapitre 6. Début très important d'ailleurs, puisque c'est le moment où Van arrive à la propriété d'Ardis, fait connaissance d'Ada, ils sont encore tout gamins, ils ont 10-12 ans, hein, mais ils vont pas s'en priver d'avoir des rapports érotiques assez rapidement. Et Ada l'introduit dans la grande maison, donc son jeune cousin est néanmoins frère, encore une fois, ce qu'elle ne sait pas, l'introduit dans la grande maison, lui fait un peu visiter les lieux. Ada conduisit son timide invité dans la grande bibliothèque du second étage, orgueil d'Ardis et pâturage favori de la petite verbivore. Vous voyez que c'est une phrase qui tricote le pâturage verbivore-herbivore, c'est-à-dire qui tricote le botanique et l'art, c'est-à-dire la littérature. Sa mère n'y entrait jamais. Elle détenait dans son boudoir la collection complète des Meinhold-Meyer comédies. Quant à Daniel Vine, poltron sentimental, Daniel Vine qui est le pseudo-père, poltron sentimental, il évitait même de s'en approcher, ne se souciant guère de rencontrer le fantôme de son père mort au milieu de ses livres d'un coup de sang. D'ailleurs, il ne trouvait rien de si déprimant que ses œuvres complètes d'auteurs complètement oubliés, mais il ne lui déplaisait pas qu'un visiteur de passage exprimât son admiration pour l'aménagement de l'endroit. Bon, je passe un petit peu. Dans l'oblique, alors, n'oublions pas que là, au fond, c'est une scène tout à fait théâtrale, hein, et qu'il faut prendre comme telle, c'est une scène d'entrée, finalement, des deux personnages principaux, Van et Ada, dans le lieu central où va se nouer cette intrigue, c'est-à-dire la grande maison familiale d'Ardis, Artis, Ardeur, Art, etc. Donc, Nabokov va en fait faire une mise en scène, hein, au sens théâtral le plus strict. Il faut faire attention à tous les objets qu'il va nous mettre en place dans cette entrée en matière. Dans l'oblique faisceau d'un rayon studieux, un atlas botanique ouvert sur un pupitre montrait une planche figurant des orchidées. Donc, on est dans la bibliothèque c'est la littérature, et d'entrée de jeu, qu'est-ce qu'on voit ? Ouvert, un atlas botanique, botanique me fait tout de suite penser à l'érotisme, parce que derrière le botanique avec Nabokov, il y a toujours de l'érotisme, et je le trouve en effet, ouvert sur un pupitre qui montrait une planche figurant des orchidées. La fleur de l'orchidée, alors, est envahissante dans ce livre. Bon, la fleur de l'orchidée est une fleur qu'on sait érotique en général, mais dont je précise en plus, ce que vous savez probablement d'ailleurs, que orchids, en anglais, c'est aussi les testicules. Hein, donc, ça, c'est un nom parfaitement érotique en tant que tel. Donc, on a bien mêlé dans cette entrée en scène la littérature, c'est-à-dire l'art, la botanique et l'érotisme. Des orchidées. Alors attention, c'est maintenant que je rentre dans ma circulation. Une sorte de divan ou de lit de repos, couvert de velours noir et garni de deux coussins jaunes, s'encastrait dans un enfoncement de la muraille, sous une fenêtre formée d'une seule glace, d'où la vue s'étendait avec prodigalité sur le parc traditionnel et le lac du roi pêcheur que j'évoquais tout à l'heure, et le lac fait de main d'homme, une paire de bougeoirs, etc. Bien. Nous sommes donc entrés dans un lieu où on a conjoint art, littérature, botanique et érotisme, et où on a affaire à un divan jaune et noir. Alors, deuxième épisode de ce petit voyage. Ce divan est le divan même, où une cinquantaine de pages plus tard, les deux enfants qui n'ont pas beaucoup grandi entre-temps, qui ont toujours 10-12 ans, vont avoir leur premier rapport sexuel sur ce divan. Bon, je ne vais pas lire longuement, juste un petit passage. Saint de sa toge de tartan, Van, suivi son double noir, il faut dire que c'est Ada qui prend l'initiative, là. Elle est très audacieuse, la petite Ada. Suivi de son double noir, donc en l'occurrence qui est Ada, dans le petit escalier en colimaçon qui conduisait à la bibliothèque, donc celle qu'on a visitée tout à l'heure, là, Posant son genou nu sur le divan de velours plucheux qui était placé sous la fenêtre, il écarta les lourds rideaux rouges. Alors, je ne vais pas lire longuement, il écarte les rideaux rouges parce que, et ça aussi, ça fait partie de la mise en scène de Nabokov, il se trouve qu'il y a une grange qui flambe dans la nuit. Ça va être la fameuse nuit de la grange en feu qui fait référence à la première fois où Ada et Van vont faire l'amour ensemble. Et tout, bon, dans le chapitre, on nous raconte donc comment sur ce divan jaune et noir, ils font l'amour ensemble. Donc vous voyez que le divan commence à prendre une importance, puisque c'est là que commencent au fond leurs affaires érotiques. Alors je lis à la page suivante, je ponctue comme ça, ce qui est totalement innocent et totalement sans intérêt à première lecture. Mais comme je sais où je vous le mentionne quand même. Je trouve, alors on nous décrit des tas d'objets qui traînent, typiques des ondulations lumineuses, des radeaux, il évoque des choses, et il évoque des dragons japonais tout d'un coup. On se demande vraiment qu'est-ce que ça vient faire là. Et puis un peu plus loin, oncle Dan avait eu autrefois un valet japonais. Bon, le mot japonais est répété deux fois. Je ne fais pas plus attention que ça, mais gardez-le en mémoire quand même, on ne sait jamais. Et nous allons continuer cette petite promenade. Autre passage, un peu plus loin. Ils sont en train de dîner à plusieurs, d'ailleurs je crois qu'il y a Van, Nada et puis une troisième personne, je ne sais plus qui, peu importe, dans un au buffet de la gare en gros. Hein. Le bâtiment de la gare abritait un salon de thé semi-privé, placé sous la surveillance de la femme du chef de gare et sous les ineptes auspices de l'école. Alors écoutez bien ça, il n'y avait personne dans la petite salle qu'une dame longue et mince, vêtue de velours noir et coiffée d'un superbe Gainsborough, de velours noir également. Elle était assise le dos tourné devant le tonic bar et pas une fois ne laissa voir son visage. Mais la pensée effleura Van Veen que ce devait être une cocotte de Toulouse. Qu'est-ce que ça vient foutre là, une cocotte de Toulouse, dans cette description? C'est très précis, c'est pas pour rien, vous allez voir qu'il nous parle d'une cocotte de Toulouse. Alors souvenons-nous, une femme vêtue de noir, un superbe Gainsborough, c'est-à-dire un chapeau à large bord, hein, noir aussi, et on la compare à une cocotte de Toulouse. Bien, presque rien, trois lignes, hein, au détour d'un... Alors je ne prétends pas vous donner toutes les références du voyage. Bon, si on lisait plus attentivement, on aurait certainement d'autres scènes qu'on pourrait évoquer pour aboutir là où je veux en venir finalement et où tous ces fils vont se conjoindre. C'est toujours pour essayer de montrer comment finalement Nabokov fait ses tricots. Alors là, je vais m'y attarder un peu plus longuement et c'est un petit peu plus compliqué. J'ai encore un peu de temps, oui. Bon. Alors nous sommes beaucoup plus loin dans le livre et nous sommes au début d'un chapitre où il est question à Lutte. Vous vous souvenez qu'on avait parlé de Lutte, c'est-à-dire Lutèce, c'est-à-dire Paris. Van est en voyage à Paris seul, sans Ada. Et il est dans le hall d'un hôtel et il va tout d'un coup tomber comme par hasard sur Lucette. Alors il faut dire que la petite Lucette, qui est la sœur ou la demi-sœur d'Ada, est folle de jalousie d'Ada, puisqu'elle est amoureuse de Van, bien entendu, et que d'une part elle est folle de jalousie d'Ada tout au long de cette enfance et de cette adolescence, d'ailleurs de temps en temps ils vont coucher tous les trois dans le même lit sans problème, mais elle n'en est pas moins folle de jalousie, et du fait de cette jalousie, rien ne lui aura échappé de toutes les scènes érotiques des enfants dans la propriété d'Ardis au début. Elle est au courant de tout. Donc la petite Lucette sait parfaitement qu'ils ont fait l'amour pour la première fois sur le fameux divan jaune et noir. Alors ces préalables étant posés, je vais lire maintenant un peu longuement un passage. Il s'arrêta au vestiaire, dont il s'agit de Van. Il s'arrêta au vestiaire le temps de donner son pardessus, mais garda son feutre noir et son parapluie fusiforme, comme il l'avait vu faire à son père dans ce genre de lieu bordélisant, quoiqu'à la mode, et que les honnêtes femmes ne fréquentent pas, du moins sans être accompagnées. Il se dirigea vers le bar et commença à essuyer les verres de ses lunettes à monture noire, quand, dans un brouillard optique, revanche récente de l'espace, il aperçut la fille, dont il se rappelait avoir aperçu la silhouette, autrefois beaucoup plus nette, à intervalles irréguliers, depuis l'âge de sa puberté. Entrée seule, elle buvait seule, toujours seule, comme l'incognita de Bloch. Bloch, c'est un poète russe. Il éprouva une impression bizarre. C'était comme un morceau rejoué par erreur, un membre de phrase mal placé sur la page d'épreuve, une scène trop tôt projetée, la répétition d'une faute, une erreur dans l'itinéraire du temps. Il se hâta de rasseoir sur ses oreilles les branches épaisses de ses lunettes et s'approcha d'elle en silence. Alors souvenez-vous, au passage, on a eu affaire à un parapluie à l'instant et maintenant on a des branches épaisses de lunettes. Je mets en place la situation. Pendant une seconde, il se tint derrière elle, Rappelez-vous que j'ai dit que tous les rapports sexuels entre Van et Ada se passaient à tergo, donc de dos. Donc la position d'un homme venant dans le dos d'une femme est toujours, chez Nabokov, une position érotique. Il se tint derrière elle, offrant son profil aux souvenirs et aux lecteurs, comme elle par rapport à nous et au bar. La crosse de son jonc gainé de soie, la crosse du parapluie, vue pareillement de profil, touchant presque ses lèvres. Devant la toile, le fond doré d'un paravent de Sakarama. Sakarama, tiens, ça m'évoque du japonais. Vous vous souvenez qu'on avait rencontré comme ça, au hasard, traîner des mots japonais. Il s'approchait du bar d'un pas glissant. Elle était encore debout, elle prenait un tabouret. Elle avait déjà posé sur le comptoir une main gantée de blanc. Elle portait une robe romantique, noire et fermée sous le cou, aux manches longues, au corsage ajusté, à la jupe large. Son long cou s'élevait avec grâce au-dessus de la molle corolle noire d'une collerette plissée. Avec le regard morne du libertin, nous suivons la ligne fière et pure de la gorge, du menton relevé. Les lèvres d'un rouge luisant sont entrouvertes, avides lèvres d'enfant de fée. Et l'on aperçoit la lueur blanche de larges incisives supérieures. Nous connaissons, nous aimons cette pommette haut placée, entre parenthèses, dont la peau rose et brûlante retient une trace de poudre. Fermez la parenthèse. La frange oblique des longs cils noirs, l'œil félin, la paupière fardée, tout cela vu de profil, nous le répétons doucement. Sous le large bord onduleux du chapeau de faille noire, que surmonte un gros nœud noir aussi, une spirale de cuivre ardent, bouclée d'une main experte et désapprêtée avec art, descend sur la joue enflammée. Nous retrouvons le chapeau, le fameux Gainsborough de tout à l'heure. La lumière des ampoules gemmées joue sur le bouffant de la coiffure, lequel, observé latéralement, projette sa masse convexe entre le bord extravagant du chapeau Rubens, donc vous voyez chapeau Gainsborough, chapeau Rubens, on reste dans la famille des peintres, et le train fin et allongé du sourcil. Ce profil irlandais, qu'une ombre de langueur slave adoucit et part d'une expression d'attente mystérieuse et de surprise nostalgique, sera considéré, je l'espère, par les amis et admirateurs de mes mémoires comme un chef-d'œuvre naturel, infiniment plus beau et plus frais que le portrait de cette gourgandine parisienne à la gueule de guenon qui figure dans une pose identique sur l'affreuse affiche peinte par Hovenmann, par un artiste à l'existence brisée. Bon, alors, nous commençons à être un peu perdus. Ce qu'on peut relever tout de même, indépendamment des éléments que j'ai soulignés, c'est-à-dire du parapluie, la canne de jonc, la femme en noir, le chapeau noir, la consonance japonaise, le lieu bordélisant, etc., c'est que tout le passage que je viens de lire est une description extraordinairement minutieuse, à tel point qu'on a l'impression de voir une image, si on l'écoute en détail. On a vraiment l'impression que Nabokov nous décrit, n'est plus seulement dans une description classique littéraire, comme ça où on se laisse embarquer, mais nous décrit très précisément une image, c'est un peu comme s'il la voyait, cette image. Et en effet, on va voir qu'il la voit, et qu'il s'agit d'une image très précise. Alors, je lis encore quelques lignes. « Hello, Ed », dit Van en s'adressant au barman, et elle se retourna au son de sa chère voix rauque. Alors, elle se retourna, elle, on va s'apercevoir que c'est en effet la fameuse petite Lucette dont je vous ai dit qu'elle avait été jalouse folle de Ada et que maintenant, comme elle retrouve Van seule, sans Ada, elle va le draguer éhontément et en profiter pour essayer de l'entraîner dans sa chambre. Et d'ailleurs, pour indiquer ce qui se passe à ce moment-là, dans ce chapitre-là, étant donné que Anne ne va pas du tout céder à la drague éhontée de la petite Lucette, dans la nuit, Lucette va se jeter dans l'océan en pleine nuit et va se suicider. Dans une scène d'ailleurs romantique absolument magnifique. Bon, enfin, je reviens à mon passage. « Hello, Ed », dit Van en s'adressant au barman, et elle se retourna au son de sa chère voix rauque. Elle, donc, Lucette. « Je ne m'attendais pas à te voir porter des lunettes. Tu as failli recevoir le paquet promis à l'homme que j'imaginais lorgnant mon chapeau, Van Chéri, Dutschka Moy. Ton chapeau, dit-il, est positivement l'autréamontesque, point de suspension. Je veux dire l'autre caquesque, point de suspension. Non, décidément, je n'arrive pas à former l'adjectif. Ed Barton servit à Lucette ce qu'elle appelait une chambérisette. Bon, alors maintenant, je vais traduire, hein, puisqu'il s'agit presque d'une traduction, essayer de traduire un peu ce passage de Nabokov et de vous montrer comment finalement viennent se conjoindre là tous les fils qu'on avait vus s'amorcer avec le divan jaune et noir, avec le Gainsborough, enfin avec les termes de japonais, etc. Il se trouve, alors pour vous donner la clé, qui n'est pas du tout évidente d'ailleurs, mais une fois qu'on l'a repérée, bon, on peut l'argumenter. C'est ça le problème dans la lecture de Nabokov, c'est qu'on a des doutes, on cherche, puis on se dit, tiens, tout d'un coup, ça me rappelle vaguement un truc. Et si on est sur la bonne piste, alors on peut vérifier. Hein. Et quand on vérifie, on se dit, bon, en effet, je ne me suis pas trompé, ou alors on se dit, on s'est trompé, bon, ça peut arriver. Alors, comme j'ai quand même essayé de suivre ces pistes et que je ne crois pas m'être trompé, quelle est l'image de référence qui sous-tend tout ce passage ? Dans un premier temps, je dis dans un premier temps parce que vous allez voir qu'en fait c'est une image plus compliquée. Dans un premier temps, ça fait penser, et quand on la regarde de près, c'est très minutieusement ce que nous décrit Nabokov dans ce passage, ça fait penser à la célèbre affiche de Toulouse-Lautrec, d'où l'adjectif lautrecaquesque, hein, lautresque, de Toulouse-Lautrec, d'où le fameux « Par un artiste à l'existence brisée ». Ça fait penser à l'affiche de Toulouse-Lautrec intitulée « Le divan japonais ». Divan, je pense au jaune et noir de tout à l'heure, au divan jaune et noir. Or, si vous avez en mémoire cette affiche de Toulouse-Lautrec, elle est en effet exclusivement en jaune et noir. Hein ? Bien. Affiche qui avait été faite pour le divan japonais, qui était en effet un cabaret à la mode de l'époque, d'où lieu bordélisant, quoiqu'à la mode. Hein, le divan japonais est en effet un cabaret de l'époque où vont les gens, les Parisiens, puisqu'on est à Paris. Et les touristes en particulier, Kevin en l'occurrence. Bon, alors, pour l'instant, si je lis encore un tout petit quelque chose de ce divan japonais de Toulouse-Lautrec, avant d'aller un peu plus loin, qu'est-ce que je constate ? Sur l'affiche du divan japonais est indiqué en bas le patron du cabaret du divan japonais qui s'appelle Ed. Fournier. Or, j'ai lu tout à l'heure sur l'affreuse affiche peinte par Ovenman. Bon, alors, ça c'est bon, vous me direz que ça n'a pas grand intérêt, mais quand même, vous voyez comment on traficote Nabokov. Oven, en anglais, c'est le four. C'est la première syllabe du nom de Fournier. Donc il a refabriqué un nom qui vient là, on se demande pourquoi, comme les cheveux sur la soupe, à partir du nom qui est écrit sur l'affiche de Toulouse-Lautrec. Le Ed, qu'il ajoute à Ed Barton, c'est le prénom de Fournier qui est écrit sur l'affiche. C'est pas seulement ça. Quels sont les deux personnages représentés sur l'affiche ? Enfin, il y en a trois en réalité, puisqu'il y a en toile de fond Yvette Guilbert, mais qu'on voit pas beaucoup. Les deux personnages en avant-scène de l'affiche, bon ça on le sait historiquement, c'est d'une part Jeanne Avril et d'autre part Édouard Dujardin. Alors, Jeanne Avril me fait penser au mois d'avril et je lis dans un petit passage tout à fait au début à la page 16 si l'humble narrateur se sent tenu de rappeler à son relecteur, voyez que Nabokov exclut complètement qu'on lise une première fois son livre, on ne peut que le relire, comme il le dit pour la littérature en général, de rappeler à son relecteur ses considérations diverses. C'est qu'en avril, entre parenthèses, le mois que je préfère, 1869, etc. Avril, le mois que Van préfère, Van qui est en train de regarder Jeanne Avril sur l'affiche, Avril, en même temps, mais ça, bon, il faut aussi le décrypter, mais quand on l'a décrypté, c'est évident. Avril, qui est à la fois l'année du mariage de Démon avec Aqua et l'année de la conception de Van par Marina et Démon. Bon, si vous ne me suivez pas tout à fait, tant pis. Donc, Avril, un mot important, puisque c'est le mot où a été conçu le héros principal de cette histoire. Pas n'importe quoi. Vous voyez que le nom de Jeanne Avril va aussi trouver son inscription dans le récit de Nabokov. Quant à Édouard Dujardin, Ed, hein, puisqu'il nous reprend le prénom de Ed, Édouard Dujardin, ben vous savez probablement que c'est le fameux auteur des Lauriers sont coupés, dont Joyce disait à Valérie Larbaud, c'est l'inventeur du monologue intérieur. Donc on est vraiment en pleine littérature. Donc là-dedans, Nabokov y jubile. Bon, je ne me permettrai pas d'ajouter que Dujardin, c'est de la botanique aussi, hein, pour en rajouter. Alors maintenant, Bon, nous arrivons à la fin, donc on va terminer là-dessus. Je disais, cette image est plus compliquée. Cette image est plus compliquée parce qu'en réalité, l'image à partir de laquelle Nabokov a travaillé, c'est une affiche publicitaire. C'est une affiche publicitaire des distributeurs de vin qui s'appelle Barton & Guestier, B&G, d'où le nom de Barton, Ed Barton servi à Lucette, hein, qu'il donne au barman. Une publicité de vin qui représente en effet l'affiche de Toulouse-Lautrec sur le mur du bar et devant l'affiche, à nouveau un bar, donc c'est une mise en abîme si vous voulez, la même image, à ceci près que sur le bar on a les bouteilles de Barton & Guestier puisque c'est une publicité, et que devant ce bar, on a les mêmes personnages que sur l'affiche de Toulouse-Lautrec, c'est-à-dire une femme avec le Gainsborough, chapeau noir, etc., et derrière la femme en position érotiquement nabokovienne, un homme. Un homme qui est simplement un tout petit peu différent d'Édouard Dujardin, sur l'affiche de Toulouse-Lautrec, parce que cet homme qui, alors là, s'identifie complètement à Vannes, étant donné que la femme en noir, c'est à Lucette, hein, puisqu'elle vient de se retourner et qu'ils se sont reconnus. Vannes, qui est en effet plus jeune qu'Édouard Dujardin sur l'affiche, lequel Édouard Dujardin a sur l'affiche un lorgnon, alors qu'en effet, le personnage de la publicité, disons, est un... a des lunettes à branches, là, comme il disait tout à l'heure, à branches et pêches de ses lunettes. Donc vous voyez que Nabokov, cette publicité, bon, pour préciser les choses d'ailleurs, cette publicité, vous aurez peut-être l'occasion de la voir un jour, puisqu'elle existe encore. Moi, je l'ai rencontrée, bon, c'est un peu anecdotique, mais c'est quand même amusant. J'ai rencontré il y a quelques mois, dans un petit restaurant de l'île d'Ouessant, Barton et Guestures livrent encore aujourd'hui des vins à beaucoup de restaurants. Et quand ils livrent des vins à ces restaurants, ils leur donnent une carte des vins. Sur la couverture de cette carte des vins, il y a cette même image qui est leur publicité. Et il se trouve que cette même image qui est leur publicité était publiée dans le New Yorker à l'époque où Nabokov écrivait Ada et qu'il l'a tout simplement recopiée. Seulement, il l'a recopiée à sa sauce. Il l'a complètement traficotée, si vous voulez, il l'a tricotée à la sauce nabokovienne. Bien, nous arrivons donc au terme de cette dernière émission, et je le regrette infiniment, mais j'arrive aussi au terme de ma petite histoire de cette affiche. J'ai simplement voulu essayer de donner l'exemple de la manière, et tout le livre d'Ada est tricoté comme ça, ce qui fait qu'il n'est pas très simple à lire, mais en tout cas, ça nous montre bien que la littérature, encore une fois, c'est bien autre chose que des histoires. Je vous souhaite une très bonne soirée, et j'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer un jour. C'était Nuit Magnétique, Ada, le roman des manuscrits par Philippe Boyer, réalisation Mehdi Alhadj, première diffusion sur France Culture le 14 septembre 1990. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.